faire le bien, faut y forcer. T'es daron si tu n'es qu'un gosse de parents divorcés. Pardonne ta femme pour toutes ces putains d'engueulades. Le love pousse à la haine, les flèches deviennent parfois des lance-grenades. Pardonne ton pote de te trahir, l'être humain est mauvais quand il s'agit de meuf, de cam ou de l'OV. Pardonne la vie d'être aussi dur, mais tu sais frère, sur terre aucun plaisir à tout recevoir sans rien faire. Pardonne ces deux armées de se faire la guerre et se tape pendant que leurs deux gouvernements s'assoient rigolent à la même table. Pardonne les hommes d'être aussi naïfs, j'en témoigne. Ne crois pas qu'ils nous rapprochent, les réseaux sociaux nous éloignent. Parfois tu te sens seul en regardant le ciel. Tu te demandes si Dieu pour toi ne s'est pas trompé de siècle. Pardonne-leur leur racisme et leur douleur. Ils ne savent pas que les squelettes auront tous la même couleur. La jalousie, la trahison, comment pardonner? Tous ces innocents en prison, comment pardonner? De nouveaux morts à chaque saison, on se fait du mal sans raison. Alors mon frère, à quoi bon pardonner? La jalousie, la trahison, comment pardonner? Tous ces innocents en prison, comment pardonner? De nouveaux morts à chaque saison, on se fait du mal sans raison. Alors mon frère, à quoi bon pardonner? Pardonner ce monde, pardonner ces bâtards. Pardonnez l'homme d'être si curieux et si bavard. À la fin y aura ni perdant ni vainqueur. Ceux qui pensent savoir ce qui se passe en regardant le journal de 20h. Pardonnez-les d'être si naïfs. Et toi, pourquoi tu me regardes, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi on est, pourquoi on meurt, ouvre les yeux. S'il avait la réponse, connaissant l'homme, il se prendrait pour Dieu. Tu fais confiance, t'es sûr de what? Car au fond, l'être humain n'est qu'un animal sur deux pattes. L'arbre est pourri, suffit de regarder le tronc. Donc mon frère pardonne mais n'oublie pas si cette salope te trompe. Les rappeurs de te faire rêver à travers de gros clips. La plupart touchent le SMIC, ne sont que des hypocrites. Ceux qui ne parlent que de toi, car ils n'ont pas de vie. Ces femmes qui partent de se marier mais qui traînent en boîte de nuit. La jalousie, la trahison, comment pardonner? Tous ces innocents en prison, comment pardonner? De nouveaux morts à chaque saison, on se fait du mal sans raison. Alors mon frère, à quoi bon pardonner? La jalousie, la trahison, comment pardonner? Tous ces innocents en prison, comment pardonner? De nouveaux morts à chaque saison, on se fait du mal sans raison. Alors mon frère, à quoi bon pardonner? Pardonnez-moi, j'ai du mal à marcher droit, pardonnez-moi. Ok c'est vrai, je veux pas finir en bas de chez moi. Pardonne-moi si je t'écoute même plus quand tu parles. Car j'ai compris que les gens ne t'aiment que quand tu pars. Pardonne-leur de critiquer, tu sais ils ne sont bons qu'à ça. La plupart d'entre vous est à l'échec depuis le bac à sable. Toi de t'écouter quand la rue te dit je t'aime. Pardonne-leur de te juger quand ils devraient juger eux-mêmes. La jalousie, la trahison, comment pardonner? Tous ces innocents en prison, comment pardonner? De nouveaux morts à chaque saison, on se fait du mal sans raison. Alors mon frère, à quoi bon pardonner? La jalousie, la trahison, comment pardonner? Tous ces innocents en prison, comment pardonner? De nouveaux morts à chaque saison, on se fait du mal sans raison. Alors mon frère, à quoi bon pardonner? À quoi bon pardonner? À quoi bon pardonner?